Ah oui, c'est ça, ça va être arrangé, Anne à votre droite. Le premier caractère chinois qu'un maître de calligraphie nous enseigne à peindre est constitué d'un seul mot.